corto per corto. Vous écoutez La Croche-Oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous ce soir pour une aventure sonore en compagnie d'artistes d'horizons divers, souvent musiciennes, musiciens, compositeurs certes, mais aussi sculpteurs, poètes, photographes, cinéastes et j'en passe. La production contemporaine d'art sonore est particulièrement riche. D'autant, je dirais qu'on observe ces dernières années une grande effervescence de l'expérimentation. Bien qu'en rupture très souvent avec l'art musical, l'art sonore s'entend parfois comme un prolongement de la musique, d'autres fois comme une avenue parallèle. Quoi qu'il en soit, les courants sont nombreux, stimulants et vraiment accessibles pour toutes et tous. C'est dans ce contexte que je vous propose ce soir trois démarches artistiques issues du monde des arts sonores. Au programme, les Américains Stephen Vitiello et Taylor Dupree, l'artiste italien Andrea Borghi et l'artiste d'origine japonaise Yoko Higashi. Et je débute ça avec le contenu d'un album intitulé 18 mai, boucle vers les nuages. Je traduis May 18, Loop to Clouds. C'est un album issu de la collaboration des compositeurs Taylor Dupree et Stephen Vitiello. En utilisant un banjo et un clavier Hohner, Dupree et Vitiello improvisent des variations sonores lors de sessions d'enregistrement. Le travail du duo ressemble, dit-on, à un murmure de sonorité animant tout l'espace d'enregistrement. May 18, Loop to Clouds est un excellent exemple aussi du travail de collaboration que mènent ces deux artistes à créer des paysages sonores à la fois minimalistes, mais tout à fait captivants. Alors voilà, on écoute le premier mouvement intitulé 18 mai. Thank you. Alors voilà, on vient d'entendre le premier volet de cet album intitulé 18 mai, boucle vers les nuages, May 18, Loop to Clouds, réalisé par Taylor Dupree et Stephen Vitiello. Alors Dupree est un artiste sonore accompli, on l'a déjà d'ailleurs entendu à l'émission. On dit que ses créations se caractérisent par la fusion de sons naturels à des médiums technologiques. Le silence et l'immobilité sont pour lui des sources d'inspiration. L'artiste sonore Stephen Vitiello transforme quant à lui des contextes sonores du quotidien en paysage pour l'oreille qui modifie notre perception de l'environnement qui nous entoure. Il a composé de la musique pour des films indépendants, des projets vidéo et des installations artistiques. Alors voilà, on écoute le second volet de cet album intitulé « Loops to Clouds ». Thank you. Je vous présente maintenant un travail sonore tout à fait différent, réalisé par l'artiste Andrea Borghi. D'origine italienne, Andrea Borghi est artiste sonore et enseignant. Il débute comme bassiste et suit des cours de piano pour glisser graduellement dans l'univers des arts sonores. On raconte qu'il est passionné par l'étude des matériaux et la production des sons qui en émergent. Il a conçu des disques en béton, et oui, une approche qu'il appelle « disco materia ». Il expérimente également d'autres matériaux comme le verre, le plastique, le métal et plus récemment le marbre. Avec Disco Materia, le son est généré en temps réel en jouant les disques sur une platine préparée. Les objets Disco Materia sont également des œuvres d'art visuel à part entière. Alors voilà, je vous propose ce soir un enchaînement de titres. C'est tiré d'une compilation intitulée Selected Work 2001-2006. Alors voilà, on écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie du créateur sonore italien Andrea Borghi et ses œuvres tirées d'un album intitulé « Œuvres choisies ». Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo avec les créations de l'artiste sonore et musicienne Yoko Higashi. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Girl, you gotta love your man. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir tout le monde. Vous êtes à l'écoute de La Croche-Oreille depuis les studios de CKRL 89.1 sur les ondes et ckrl.qc.ca sur la toile. On entame la seconde demi de l'émission avec un projet de l'artiste d'origine japonaise Yoko Higashi avec un magnifique projet cette fois de captation sur le terrain, un field recording, un album intitulé West Tokyo East qui relate simplement le voyage de trois sons au Japon, autour des villes de Tsuyama, Okayama, Koriyama, qui est aussi Fushiyama et Tokyo. Et sans plus tarder, on va écouter le premier segment de ce travail intitulé Mimasaka Nocturne. Alors, on vient d'entendre le premier mouvement ou segment de l'album intitulé « West Tokyo East ». C'est de l'artiste Yoko Higashi. Yoko est une performeuse, chanteuse, danseuse de buto. Elle est basée à Lyon depuis plusieurs années maintenant et son travail largement diffusé en France et en Europe. Avant tout musicienne, elle débute la scène à Tokyo, ensuite la poursuit à Lyon, après avoir expérimenté la danse, le chant classique et le théâtre. Elle mène une carrière d'artiste multidisciplinaire, s'intéresse à la création sonore et demeure, dit-elle, très inspirée par les groupes Pansonic, l'artiste Michel Bokanowski, Christian Zanesi et Lionel Marchetti. Alors voilà, on complète la soirée avec un enchaînement tiré de cet album intitulé « West Tokyo East ». On écoute ça. お願いします。 au nom de Michel. Le Alors voilà ce qui complète le programme sonore de l'accroche-oreille pour ce soir. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez pour la plupart sur les plateformes de musique. Je le rappelle, les artistes Andrea Borghi, Taylor Dupree, Yoko Higashi et Stephen Vitiello. Et pour clore l'émission, je vous propose qu'on écoute une autre pièce tirée du projet de Yoko Higashi, album intitulé West Tokyo East. Et voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Tokyo. Forêt d'immeubles. 明治通りを取り囲み 大小様々な車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣間見る車の速度の合間に垣 目黒の裏道と et une ne brûche qui vaut un arrêt du métro. Glisser. 上野公園の 秋闇 色あせたままの風景に記憶の 奥の地上に ジュパックへ入り込ませてみた。駅でぶつかることなく足早に目的地へと向かう人たち。サンスブスクテレビゲームのようアンジュビ Asakusa-eki au coin vieilli et sombre de la station Asakusa. Kippu no jishaku no niyoi ga. L'odeur dément d'un ticket, te no hira ni sa, se transmet à la paume de ma main. Il pleut à Tokyo. Il y a des Bertolucci au CFP de Hitori Kanshoshita Kira. Avec mon costume du lycée, Oameda, je vais voir un Bertolucci à Hibiya. Devant Tokyo à Shibuya, une fille assise par terre, belle robe et la mienne, envoyant des SMS. Crossaten no jikken no izon, maken no izon, music na ten. Les gens passent sans aucun doute. Entre les gratte-ciels inexistants, il me donne une certaine fierté, un shinkan à taérale de l'assurance. Je ressens de la joie pour la fringine du Kunoyo Zero consommé, Ijiwaru na Shitashimi au Kanji. Shinjuku no Je ressens une familiarité méchante pour Shinjuku la nuit. Tokyo. Chiguhagu ni kiramek hoseki tachi ga atsumare nasu. Aujourd'hui encore, une bruine invisible tombe.